D'où vient que l'automne, malgré la mélancolie, l'atmosphère saturnienne et l'ambiance de fin de vie, nous apporte bien souvent une forme de consolation. La feuille morte n'est pas seulement agonisante, elle est belle aussi, flamboyante, à l'image du coucher de soleil qui annonce la fin, mais nous emplit de beauté et nous permet de tenir au moins jusqu'au petit matin. Dans les quatre saisons, aujourd'hui je demande l'automne, les sanglots longs et la poésie de Paul Verlaine. Ici, l'an. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Laisse mon cœur d'une longueur, mon automne. Tout ce fécond est plein. Quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Vous avez un très bel accent. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais. M'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Bonjour Jean-Michel Maulpois. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. L'automne vous rend-il mélancolique ou joyeux ? Mélancolique. Mélancolique ? Et vous comprenez la forme de douceur, voire même de satisfaction ou de consolation qu'on peut ressentir lorsque l'automne arrive ? Oui, parce que cette mélancolie va se baigner dans des couleurs extrêmement belles, extrêmement vives. L'automne n'est pas seulement la pluie, c'est aussi le chant des feuilles mortes, sous les pieds. Donc, voilà, donc il y a un automne autre que mélancolique, c'est aussi celui des vendanges, c'est aussi celui des récoltes, c'est celui des tartes aux prunes, toutes ces choses qui nous sont données en automne. Et je crois d'ailleurs que dans la poésie, avant de devenir la saison romantique des larmes et des regrets, l'automne fut d'abord la saison classique des récoltes et des bienfaits de la terre, le moment où tout a mûri, tout est donné, tout est accompli, et où l'on reçoit comme un don cette prodigalité. Donc peut-être y a-t-il une ambiguïté de l'automne fondamentale qu'on garde en tête. La fête de l'automne, fête des vendanges, et puis la tristesse de l'automne. Vous voulez dire qu'il y a comme une histoire de l'automne dans l'histoire de la poésie ? Certainement, certainement. Je me suis amusé, après que vous m'avez invité, à regarder un petit peu les poésies antérieures à Verlaine, il y en a beaucoup, ma foi. Et je suis tombé sur un texte d'un illustre inconnu qui s'appelle Jean-François de Saint-Lambert, un poète du XVIIIe siècle, un noble lorrain peu fortuné, qui a été célèbre pour un livre intitulé Les Saisons. Et dans ce livre intitulé Les Saisons, il y a un poème sur l'automne qui commence ainsi, si vous me permettez. Je vous en prie. Ô vous qu'ont enrichi les trésors de Cérès, préparez-vous, mortels, à de nouveaux bienfaits, redoublez vos présents, terre heureuse et féconde, récompensez encore la main qui vous seconde, et toi, riant automne, accorde à nos désirs ce qu'on attend de toi, des biens et des plaisirs. Un automne dispensateur de plaisirs, voilà qui prend un peu à contre-pied cette image des sanglots longs de violon. Alors, diriez-vous que Verlaine est le poète de l'automne ? Oui, je pense que Verlaine est le poème et le poète de l'automne. Il y a une texture automnale, je dirais, de l'écriture de Verlaine. Il y a un certain nombre de textes très célèbres de lui qui sont inspirés par l'automne. Mais par-delà, il y a aussi une inflexion automnale, je dirais plutôt qu'une inflexion mélancolique, une inflexion automnale, une atmosphère de crépuscule et une espèce d'affaiblissement des énergies qui circule dans l'ensemble de son œuvre. On est à la fin de quelque chose. Je suis l'Empire à la fin de la décadence, dit-il à un endroit. On est au bout de quelque chose. On est dans un stade terminal, d'une certaine manière, du lyrisme avec Verlaine, qui se décompose quasiment sous nos yeux et qui se recompose parfois de façon assez inattendue. Donc Verlaine est automnal de part en part et de bout en bout. Le livre qui fait seuil à l'œuvre de Verlaine, c'est les poèmes saturniens. C'est le livre dans lequel paraît ce poème chanson d'automne, Les sanglots longs des violons, qui est si souvent cité, qui a tellement fait chanter les chanteurs d'ailleurs. Et vous l'avez entendu, c'est ce poème qui a servi à annoncer le débarquement du 6 juin 1944. Oui, c'est le poème du débarquement. C'est étrange d'ailleurs qu'il y ait comme ça une libération qui commence, dont le signal soit donné par un poème aussi peu libératoire que celui-là. Poème d'ailleurs dont les bribes circulent ici et là. Je rappelle que l'un des vers centraux de ce poème, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Quand sonne l'heure, c'est repris par Apollinaire, vienne la nuit, sonne l'heure. Les derniers vers, et je m'en vais de ça, de là, pareil à la feuille morte, c'est repris par Gainsbourg. Dans une célèbre chanson, je suis venu te dire que je m'en vais. Il y a comme ça une espèce de chambre de résonance autour de ce poème, qui est de manière assez inattendue ou attendue repris par d'autres. Mais il faut dire qu'il y a une dimension, alors plus que de chansons, la musicalité est très importante pour Verlaine, et lui-même écrit des textes où il revendique le terme même de chanson, je pense à La Bonne Chanson, notamment, qui est d'ailleurs le titre d'un recueil. Mais ces poèmes, en tout cas ce poème, Chanson d'automne, commençons avec celui-là, est devenu tellement célèbre, que ce soit par l'annonce du débarquement, par les nombreuses reprises musicales qui ont été faites, qu'on pourrait presque parler d'un tube, il y a un côté, c'est quelque chose qui nous accompagne, qu'on n'écoute presque plus tellement, il fait partie de notre vie. Oui, on l'écoute, on le répète, on l'entend, mais est-ce qu'on s'interroge vraiment sur ce qu'il dit, qui est presque absurde? Alors, je vous propose qu'on l'écoute. Écoutons-le. Interprété par un comédien, sans musique, sans rien, puis vous nous direz ensuite comment l'écouter. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De ça, de là, pareil à la feuille morte. Alors, dans quelle mesure la réception d'un poème va être influencée par l'interprétation orale qui en est faite? Ici, c'était le comédien Robert Hirsch qui lisait donc ce poème avec une voix très calme, très douce, très posée, qui s'éteint quasiment à la fin. Est-ce que c'est ce type de voix que vous entendez lorsque vous lisez le poème, Jean-Michel Malpoix? Oui, sans doute. Je pense que cette interprétation est juste, intéressante, significative. En même temps, je terminais par un mot étrange tout à l'heure, avant que vous nous donniez ce texte à entendre, je disais, il y a quelque chose d'absurde. Ouais. Les sanglots longs des violons. Bon, c'est quoi? Alors, on va dire, c'est le bruit du vent dans les arbres, d'accord. Mais le sanglot d'un violon, ça marche moyennement. Blesse mon cœur, les sanglots qui blessent. Blesse d'une langueur, blessé par une langueur. Il y a quelque chose comme une espèce d'incohérence qui circule à l'intérieur de ce texte, dans l'enchaînement même des termes et des images. Il produit un effet narcotique, il produit son effet, il est extraordinairement efficace comme poème, mais quand on y regarde de plus près, cet effet procède de quoi? Il procède d'une réduction extraordinaire du vers, d'un écourtement. Si vous mettez en vis-à-vis chanson d'automne et puis l'automne de Lamartine, par exemple, vous passez d'un monde à un autre, évidemment, oui. Mais là je prends deux extrêmes. Mais c'est un écourtement une sorte d'épure lyrique. Il allège la forme au maximum, 3 syllabes, 4 syllabes. Et puis, en même temps qu'il allège la forme au maximum, il charge l'émotivité, elle aussi, au maximum. Et bon, il y a le maximum d'émotivité dans le minimum de mots, avec ce vers « et je pleure ». Est-ce encore un vers? À peine. Vous voyez, c'est une espèce de goutte de pluie, de goutte de larmes, si l'on veut, qui tombe comme ça sur la page. Donc c'est un texte très étrange et très paradoxal, dans lequel, dont le charme tient au fait, sans doute, qu'il manifeste de manière très précise la manière dont le sujet obéit à l'automne, est conduit par l'automne, est porté par l'automne, s'abandonne à l'automne. Tout tient dans ces derniers vers que l'on cite souvent, « Et je m'en vais de ça, de là, pareil à là, feuille morte. » Le sujet réduit à l'état de feuille morte, c'est le sujet livré, le sujet, je veux dire, le poète, le passant, le promeneur, qui l'on veut, le sujet livré au bourrasque, au mouvement du vent, livré au destin, c'est ce poète saturnien tel que Verlaine le décrivait. Mais voilà, il y a quelque chose de presque fantastique dans cette manière qu'a Verlaine de réduire l'automne à une musique funèbre qui emporte le sujet de ça, de là. Et une identification du sujet à cette feuille morte. Absolument, c'est lui. C'est lui la feuille morte. C'est lui, et on pourrait mettre cette feuille morte en résonance avec d'autres textes, je pense à un poème comme La Mouette, dans lequel il se décrit non pas en albatros baudelairien qui suit les hommes d'équipage, etc., mais en mouette portée par des courants divers et contradictoires et qui circulent dans le ciel de façon chaotique. Il y a ces trajectoires chaotiques de Paul Verlaine qui sont déjà bien signifiées par cette figure de la feuille morte. Je voulais faire une petite remarque aussi en passant à propos de la chanson de tout à l'heure. Oui, quand Trenet interprète chanson d'automne, il change un verbe. Les sanglots longs des violons bercent mon cœur, dit-il, et non pas blessent mon cœur. Comme s'il avait voulu adoucir Verlaine. Oui, et d'ailleurs, il y a un point commun entre Charles Trenet et Paul Verlaine, c'est que dans les deux cas, la douceur n'est souvent qu'apparente. Charles Trenet paraît très joyeux, si on écoute ses textes, il s'agit toujours de mort, de mélancolie, de suicide, il y a quelque chose de très dramatique. Et chez Verlaine, on peut avoir aussi un peu le même effet, il y a cette douceur, langueur apparente, qui cache, ou qui contient, ou qui console, d'une grande douleur, en fait. Oui, douceur et douleur sont deux mots très proches chez lui. Et d'une grande douceur qui est recherchée, qui est appelée, qui est invoquée, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Il y a un poème qui commence ainsi, de manière presque suppliante. Et une douceur qui est appelée pour consoler une douleur inconsolable. Et voilà, une douceur qui se mêle à son contraire aussi, qui est une violence terrible parfois chez Verlaine. Chez Verlaine, enfin, disons-le, précisons-le, le texte qu'on a entendu, donc il appartient au poème saturnien, il a 22 ans lorsqu'il les publie. Oui. Alors que lorsqu'on le lit, on se dit que c'est un vieil homme qui est plongé dans les souvenirs suscités par l'automne, alors qu'il est au début de sa vie. Oui, c'est le moment aussi, justement, où pèse sur lui le plus lourdement la mélancolie. Alors même qu'il n'a pas de raison objective de l'éprouver directement, mais c'est une mélancolie qu'on pourrait dire aussi bien historique, une mélancolie d'époque, un esprit de crépuscule ou un climat de crépuscule, une sorte d'affaiblissement qui se trouve aussi bien exprimé chez Baudelaire. Et... Donc on est en 1866, hein, voilà, quand on paraisse les poèmes saturniens. Oui, donc on est dans un héritage direct du chant d'automne baudelairien, de la manière dont les crépuscules hémorragiques de Baudelaire se transforment en soleil couchant chez Verlaine. Il y a une continuité d'inspiration. Verlaine vient en quelque sorte mettre un point final à une certaine expression lyrique qui s'est décomposée progressivement au fil du XIXe siècle. Alors avant d'en apprendre plus et sur cette période et aussi sans doute sur le parcours de Verlaine lui-même dont il faut dire un mot, voici un autre extrait des poèmes saturniens, toujours 1866. Le poème s'appelle Nevermore. Il est lu ici par Jean Negroni. Écoutez comment on retrouve les mêmes thèmes filés différemment. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone, et le soleil dardait un rayon monotone sur le bois jaunissant où la bise détonne. Nous étions seuls à seuls et marchions en rêvant, elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain tournant vers moi son regard émouvant, quel fut ton plus beau jour, fit sa voix d'or vivant. Sa voix douce et sonore au frais timbre angélique. Un sourire discret lui donna la réplique et je baisai sa main blanche dévotement. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées et qu'il bruit avec un murmure charmant le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons des quatre saisons cette semaine pour cette première série de l'année des chemins de la philosophie. Hier, c'était l'été chez Camus, aujourd'hui l'automne chez Paul Éluard, en compagnie de l'écrivain et du poète Jean-Michel Maulpois. Le texte que l'on vient d'entendre, alors j'ai dit qu'il renvoyait beaucoup au premier que nous avons entendu, à la chanson d'automne, c'est vrai, mais il y a une dimension supplémentaire ou différente. C'est que c'est un homme amoureux qui parle ici. Il y a de l'amour. Oui, de l'amour tel que... Vous faites une moue quand vous dites l'amour. Je fais l'amour. Mais l'amour tel que Verlaine le vit est toujours ou presque hypothétique. Il y a un moment, c'est celui de la bonne chanson, celui de ses fiançailles avec Mathilde, ouais. Qui est un moment, je dirais presque de répit, dans une vie amoureuse marquée presque toujours par le manque, la déception, le deuil, la colère, voire la brutalité. Même, oui, complètement la brutalité. Enfin, en tout cas, il est connu pour avoir tapé sa mère, tapé sa femme, sa il a tiré sur Rimbaud. Enfin, absolument. La violence est... Une violence partout. Verlaine était une crapule, il faut le dire nettement et clairement. Mais revenons à cet amour-là. Cet amour-là, c'est un amour à demi rêvé, comme je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et même me comprend. On est dans le rêve amoureux. Alors ce rêve amoureux, il a été plus ou moins incarné par une figure, sa cousine, Elisa Moncomble, qui était née en 1835, qui s'est mariée en 1858, qui est morte prématurément en 1867 à 30 ans. En couche, n'est-ce pas ? En 31 ans, en couche, ouais. Oui, absolument. Le souvenir... Elle a financé l'édition des poèmes saturniens. Donc les poèmes tristes qui ont été écrits et qui font partie de ce recueil ne sont pas consécutifs à la disparition. Ils sont plutôt contemporains de cette espèce de climat affectif bizarre qui a toujours entouré Verlaine, notamment au sujet de sa cousine. Il était amoureux d'elle, mais c'était un amour impossible. C'était un amour marqué finalement du saut de la tristesse dès le départ. Et donc l'évocation qui est faite ici, c'est une évocation du souvenir. Du souvenir, de l'amour pris dans le souvenir, de l'amour devenu souvenir, c'est-à-dire de l'amour devenu irréalité. Il y a un étrange jeu des temporalités dans ce poème parce que il évoque un souvenir, le souvenir d'une promenade durant laquelle il a interrogé sa compagne du moment, réel ou irréel, sur le plus beau jour qui avait été le sien ou le leur. Quel fut ton plus beau jour ? Quel fut ton plus beau jour ? Fut sa voix d'or vivant. C'est elle qui l'a interrogé, pardon. Ouais. Mais donc, on s'interroge dans un temps présent sur un temps passé qui lui-même contient un temps passé. Il y a des passés gigognes chez Verlaine, des passés qui s'enferment les uns dans les autres, comme si finalement tout était au passé et rien ne pouvait être vraiment au présent. Donc cet automne verlainien dont on parle, c'est un automne qui est fait d'un empilement de temps perdu d'une certaine façon, de souvenirs tous plus lointains les uns que les autres, de souvenirs qui semblent s'éloigner, s'envoler sous nos yeux. Là, c'est un automne qui contient un printemps. Quel fut ton plus beau jour? Quel fut ton printemps? Lui demande-t-elle. Et il répond d'une certaine manière, dans le dernier tercet de ce sonnet, à les premières fleurs, qu'elles sont parfumées, et oui. Qu'il bruit avec un murmure chamant, le premier oui, le première fleur, les premiers oui. C'est le printemps. Printemps, voilà. Il répond par un printemps, mais un printemps qui est renvoyé dans les lointains. Pourtant, Verlaine le dit à un endroit, justement, il a une forme de mépris envers les poètes qui célèbrent le printemps. Lui le dit, hein, c'est l'automne qui lui parle, le printemps. Il y a une sorte de naïveté à croire que l'essentiel se trouve au printemps. Oui, tout à fait. Oui, comme si l'automne était la saison juste, en fait, la saison pesante. Vous savez, pour Mallarmé, ce sera l'hiver, la saison lucide. Pour Verlaine, c'est la saison juste, la saison qui fait résonner, la saison mentale par excellence, c'est bel et bien l'automne. Voilà. Mais alors, est-ce plus la mélancolie ou la nostalgie? Parce que les deux diffèrent. Je suis tombé sur une phrase que j'aurais aimé retrouver pour vous la citer. Je l'avais notée sur un petit carnet, si vous me donnez une petite seconde. Voilà. Je suis tombé sur une phrase tout à fait étonnante dans ses confessions. Une phrase qui m'a vraiment surpris. Mm-hmm. Il dit « Je n'ai jamais été mélancolique de ma vie ». C'est Verlaine qui dit ça. « Je n'ai jamais été mélancolique de ma vie ». C'est dans les œuvres en prose, dans les confessions. Alors voilà, il nous prend... Alors comment il faut le comprendre? Alors, son œuvre se distingue de sa vie, de son tempérament? Non, je crois que c'est surtout que le... Comment dire? C'est autre chose que la mélancolie chez lui. Il faudrait en redéfinir les contours. C'est aussi bien la défaite des espérances que l'état crépusculaire des idées et des formes, que la thématique d'époque, le monde va finir, disait déjà Baudelaire, que le sentiment d'une tristesse constitutive, d'une nature mal identifiable, l'idée d'un moi qui est dépossédé constamment de lui-même, ce sont ces ingrédients qui rentrent dans la composition, je dirais, d'une mélancolie nouvelle. Mais ça n'est pas la mélancolie... Bon, il dit ça de manière un peu provocatrice. Mmh. Hein, je n'ai jamais été mélancolique de ma vie, il ne faut pas le prendre forcément au premier degré. Mais ça veut dire qu'il y va d'autre chose de plus complexe que ce qu'on entend d'ordinaire par mélancolie. Oui, mais ne trouvez-vous pas que ça rend la poésie de Verlaine extrêmement difficile à décrire et à définir? Et là, je m'adresse non seulement à l'écrivain que vous êtes, mais aussi à l'ancien professeur. Vous avez dû enseigner, oui, Verlaine, à vos étudiants. Il est très difficile d'arriver à nommer ce de quoi la poésie de Verlaine est faite. Plus difficile, me semble-t-il, que Baudelaire, que Mallarmé. Il y a une forme de distance. Alors là, je parle en mon nom, mais justement, je m'adresse au professeur que vous êtes aussi. Je ressens une forme de distance à l'égard de ces textes que je peux trouver beau, mais qui ne viennent pas me happer le cœur et m'inviter à m'installer chez eux comme le font beaucoup d'autres poètes. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Il n'est pas accueillant, il est très émietté, il ne nous propose pas un monde dans lequel nous pourrions nous installer. Verlaine part en page, en feuille morte, de ça, de là, et c'est difficile de le suivre. En même temps, il est très imprévisible, très contradictoire. Verlaine, c'est pas seulement ce mélancolique qui nous pèse. Parfois, c'est aussi un blagueur, un joueur, un moqueur, un virtuose, quelqu'un qui a le goût de la provocation, qui mélange de manière étrange la naïveté avec la rouerie, avec le savoir-faire le plus inattendu qui soit. Il prend souvent à contre-pied son lecteur. Il a le goût des formes, des contraintes, des boiteries, des négligences. sa poétique tout entière fait vibrer les incertitudes, en quelque sorte. Et il est difficile de le suivre sur ses chemins. Le vers de Baudelaire et même le vers de Rimbaud ont quelque chose de clair, de net, oui, jusque dans leurs difficultés. Il y a une structure, une charpente. Chez Verlaine, la charpente s'effrite. La poésie part en musique, comme on le dit volontiers, c'est un grand musicien. Elle part presque en fumée. Donc, comment voulez-vous qu'on le fréquente autrement que par bribes, c'est-à-dire par vers qui nous restent dans la tête, comme ces sanglots longs des violons, ou ces souvenirs, que me veux-tu l'automne, où je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Cette voix, nous l'adoptons momentanément, nous la faisons nôtre, nous pouvons la faire nôtre. Elle nous rejoint, elle recoupe notre vie, mais ça n'est pas la voix d'un poète qui nous accueille véritablement dans son univers pour nous y installer. Ça, c'est délibéré chez lui, alors? J'ai l'impression que c'est peut-être pas tant délibéré que fatal. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des éléments que je décrivais brièvement tout à l'heure. Cette espèce de mélange entre une mollesse irrémédiable du cœur, une fatigue de la pensée, et tous ces ingrédients négatifs qui rentrent dans la composition de la physionomie mentale de Verlaine, tous ces ingrédients négatifs font qu'on ne peut pas se sentir chez soi, chez lui. Il y a une hostilité. Il y a une hostilité, oui. Il y a un beau dessin de Verlaine brandissant sa canne, poursuivant les jeunes gens qui venaient vers la fin de sa vie entre hôpitaux et caboulot lui parler de Rimbaud. Il y a une colère indescriptible chez lui. Mais qu'on ne voit pas dans sa poésie. On la voit dans une partie de sa poésie qu'on ne lit jamais. C'est ça. Par exemple, il y a un recueil qui s'appelle Invective, qui est assez violent. Et il a réglé leur compte à un certain nombre, qu'on ne voit pas, ou qui est très déguisé. Contre sa femme Mathilde, il y a des textes qui sont d'une perfidie. Il l'appelle princesse souris. Il y a des textes qui sont d'une perfidie très, très cruelle. Mais pourquoi ce décalage entre cette grande violence, cette grande colère qui l'habite, et sa poésie qui, au contraire, prône la nuance, la douceur, voire même parfois une forme de tiédeur qui peut être réconfortante ou hostile, hein, c'est selon les tempéraments. C'est ce décalage-là qui semble difficile à comprendre. Non pas qu'il faille à tout prix que l'homme soit cohérent avec son œuvre, c'est pas du tout ce que je sous-entends, mais c'est que dans la poésie elle-même, on sent peut-être cette affectation comme s'il disait autre chose que ce de quoi il était vraiment fait. Oui, il dit beaucoup ce à quoi il aspire. C'est ça. Il dit beaucoup ce qu'il cherche. Donc la douceur, c'est celle qu'il appelle de ses. C'est celle qu'il appelle. Il appelle la douceur dans la langue. Et il la fait entendre dans la langue. Il fait entendre dans la langue ce qu'il a du mal à faire entendre dans la vie, peut-être. Et là, il y a le décalage entre le sujet réel et le sujet lyrique, si l'on veut, se précise un peu. J'entends plus d'appels chez Verlaine que véritablement d'expression. Et il observe de l'extérieur. Vous avez cette ariette, on entendra peut-être tout à l'heure, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur. Il assiste comme de l'extérieur à ses sentiments. Il les observe, il les examine, il les met en procès d'une certaine façon sous sa plume. On continue l'exploration et l'écoute de son œuvre et de ses poèmes. Voici donc « Il pleure dans mon cœur ». C'est dans le recueil « Romances sans paroles » de 1874, ici toujours lu par Robert Hirsch. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. De la... musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Des romances sans parole à l'art poétique, on est en 1874 dans les deux cas. Jean-Michel Maulepoix, d'un côté donc le poème sur lequel on va revenir, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », un poème qu'on a en France souvent appris à l'école primaire, dès l'école primaire, avec cette fin si belle, c'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Et puis donc l'art poétique, ici chanté par Léo Ferré, l'art poétique qui est pas un traité, qui est une forme de, il tient à énoncer certains éléments poétiques, mais il refuse la forme théorique. C'est d'ailleurs la forme chantée qui est sans doute la plus appropriée pour exprimer ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a fait le choix d'une chanson, comme il le dit lui-même. Il dit, je n'aurais pas fait de théorie, mon art poétique n'est après tout qu'une chanson. Et il lui fallait cette forme plutôt légère, plutôt simple, plutôt chantante, justement, pour poser les quelques motifs qui sont les siens, au premier rang desquels il y a évidemment la musique. Ouais. Il y a la musique, et puis il y a une forme de d'imprécision voulue, l'indécis au précis se joint, une précision de l'indécision même. Voilà, il y a chez Verlaine une manière de dire avec le plus de justesse possible ce qui échappe à l'appréhension. Dire avec l'imprécis, c'est-à-dire le vague, la nuance, le vague, l'impression, dire cela de la manière la plus précise, la plus juste, mais aussi la plus efficace. C'est ce qui donnera l'impressionnisme en peinture. C'est ce qui donnera l'impressionnisme en peinture, tout à fait. On en est très proche, ici. Et quand je vois l'automne arriver dans cet art poétique à la troisième strophe, c'est au sein d'un petit quatrain, justement, dans lequel il est question d'atténuation. Il dit, il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise, et il enchaîne, c'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles. Les quatre vers qui sont là réunis enveloppe finalement la lumière dans l'indécision, enveloppe tous les éléments dans l'indécision, les voiles, le tremblement, l'attiédissement, le fouillis. On est dans une poétique de l'indistinction. Mais plutôt joyeuse ici, plutôt pas joyeuse, dans la mélancolie. Tout à fait. D'ailleurs, ce poème n'est pas un poème mélancolique, il est lié à une célébration de la valeur musicale de la poésie, avec cette strophe surtout, de la musique encore et toujours. Il y a quelque chose de très affirmatif, là, d'une revendication de la qualité musicale, que ton vers soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. La chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée. C'est assez tordu comme expression, mais ça dit bien cette espèce de mouvement de feuille morte qu'on avait tout à l'heure. L'âme en allée, le sujet qui est porté par on ne sait quel courant, quel vent, quelle force, vers l'ailleurs, vers les lointains, vers nulle part. Donc il y a une volonté de dépersonnalisation chez Verlaine? Noyer le jeu dans... Oui, il y a une volonté, mais qui correspond à une expérience réelle de la dépersonnalisation. Il parle de sa mollesse d'âme, de sa volonté impuissante, de sa faiblesse constitutive, de son défaut de volonté. Si vous prenez le premier texte des poèmes saturniens qui précède même le prologue, une sorte de seuil, il disait quelquefois, il disait là, ceux-là qui sont nés sous le signe Saturne ont entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheur et bonne part de bile. L'imagination, inquiète et débile, vient rendre nul en eux l'effort de la raison. Il y a, voilà, une incapacité à raisonner, une incapacité à vouloir, une incapacité à tenir un fil. Il y a quelque chose comme une trajectoire erratique de la subjectivité dont Verlaine se fait l'écho en permanence. Alors donc c'est impersonnel, il pleure dans mon cœur. Il dit pas je pleure. Et c'est d'ailleurs le coup de force de ce texte que de faire du cœur, qui est d'ordinaire la source des larmes, c'est le lieu de l'émotion, le cœur. Donc de faire de la source le réceptacle. Le cœur devient le réceptacle de larmes qui sont versées par le réceptacle de la pluie du dehors. Enfin, les larmes sont assimilées à la pluie, le sentiment est mis à l'impersonnel, il y a une expérience de la tristesse qui est celle d'un inconnu. Il pleure dans mon cœur, quelque chose m'arrive. Voilà, il pleure. Ah oui, mais il pleure, c'est pas un inconnu qui pleure. Quelque chose pleure. Ça pleure en moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça pleure en moi. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose qui monte en puissance dans Les Ariettes oubliées, dans cette section des romans sans parole qui est si belle, qui constitue l'ensemble des Ariettes oubliées. C'est l'interrogation, le questionnement. Verlaine multiplie les questions. Et on en entend sans cesse, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison, c'est que vous citiez tout à l'heure en est une. Et cette absence, donc, il y a une absence de personnalité, voire même de personne, réduite à son cœur, qui s'identifie cette fois non plus à la feuille morte, mais à la pluie. Mais il y a cette conclusion qui en est à peine une, mais quand même, c'est une conclusion. La pire peine qui puisse arriver, c'est de ne savoir pourquoi mon cœur a tant de peine. Au fond, ce dont ce cœur souffre, c'est quand même de cette impossibilité d'avoir recours à la raison pour comprendre. Vous dites, l'être saturnien est celui qui ne peut pas avoir recours à la raison, qui sait bien que ça ne fonctionne pas, mais il en souffre, il n'a pas fait son deuil. Il en souffre, mais c'est aussi l'expérience directe de l'inconnu du sentiment. Parce que c'est facile de mettre le mot de sentiment sur une tristesse, quelle qu'elle soit. Mais il y a aussi, je pense que... Il y a une prise de conscience chez Verlaine de la part d'inconnu qui est inhérente au sentiment. Hein? Le deuil, l'endeuillement est fondamental chez Verlaine. La tristesse est constitutive. Elle est là au départ du sujet. Elle est comme installée en lui au moment de sa naissance. Et il en poursuit la raison, il en poursuit les causes, il en poursuit les figures tout au long de sa vie. Donc, cette tristesse sans cause, c'est le sujet de l'Ariette numéro 3. Il pleure dans mon cœur. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure, avec cette espèce de redondance où justement on tourne en rond dans l'impossible appréhension des raisons d'une tristesse qu'on ne peut pas écarter de soi, elle est constitutive, on ne peut pas l'objectiver, en quelque sorte, on ne peut pas la mettre sous ses yeux. Et ça s'est installé en lui et il en souffre définitivement. Mais c'est ce qui lui fait écrire. C'est ce qui le fait écrire. Il y a une créativité dans cette tristesse. Absolument. C'est la source de son encre, la source noire, si l'on peut dire. Donc il en a besoin aussi. Il en a absolument besoin et il le sait parfaitement et il en joue. Donc il y a une complaisance. Il y a une complaisance. Il entretient lui-même ce dont il se plaint. Il gratte sa plaie, d'une certaine façon. On est dans une espèce d'entortillement maléfique, qui est l'entortillement lyrique par excellence, hein, où le poète est entièrement responsable de ce qu'il dénonce. Et il s'est installé dans une impasse. Qui lui est finalement assez confortable. Tout à fait. À titre de comparaison, je vous propose qu'on écoute le chant d'automne de Baudelaire. Tout à fait. Pour qu'on puisse donc 1857, hein, les fleurs du mal, les textes dont on parle sont 10 ans, voire 20 ans plus tard. Donc Verlaine, j'imagine, en a eu forcément connaissance des Fleurs du Mal. Il sait ce qui s'y trouve. Écoutez comment Baudelaire, donc, va proposer son propre chant d'automne. Et vous verrez de quelle manière est-ce que ce chant-là, on retrouve le chant, comme la chanson de Verlaine, diffère des vers de Verlaine. Chant d'automne. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber, avec des chocs funèbres, le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? C'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté. Mais tout aujourd'hui m'est amer, et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et pourtant aimez-moi, tendre cœur. Soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant. Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Courte tâche. La tombe attend. Elle est avide. Oh, laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, goûter, en regrettant l'été blanc et torride de l'arrière-saison, le soleil jaune et doux. On dirait que ce poème a été écrit pour la voix de Michel Piccoli, à moins que ce ne soit l'inverse, hein, Jean-Michel Mollepoint. En tout cas, il y a une cohérence entre ce qui est dit et la manière dont c'est dit, qui est bouleversante, je trouve. Vous avez remarqué ici, l'automne est glorieux, sous la plume de Baudelaire. Il parle d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Tout à fait, il est glorieux. C'est les couchants baudelairiens sont spectaculaires, hémorragiques, d'un rougeoiement extrême. Et son automne est déjà franchi un pas par rapport à l'automne romantique, hein, par rapport à celui de Lamartine, évidemment, c'est criant, mais ceux de Hugo aussi, il y a un durcissement, on est dans une scène funèbre, on est au seuil de l'hiver, au seuil de la mort. Ouais. Et la puissance émotive de ce poème tient au fait que il allégorise l'automne en échafaud, littéralement. Il assimile à la construction d'un échafaud le bruit des bûches que l'on est en train de tailler, le bois que l'on taille pour le feu de l'hiver, les provisions de feu de l'hiver que l'on prépare dans une cour en coupant des bûches. Il y entend le bruit funèbre de la construction d'un échafaud, donc de la mort. D'un cercueil. D'un cercueil, ouais. Voilà. Il entend la chute, j'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et sourd. Donc voilà, il y a quelque chose comme une défaite. On est dans la défaite, dans la fin, dans l'imminence de la fin chez Baudelaire, avec la défaite de l'espoir, la défaite de l'espérance. Le monde va finir, répète-t-il. C'est tragique. C'est complètement tragique. Voilà, il y a beaucoup plus de tragique. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est tragique, alors que chez Verlaine, c'est autre chose. Mais il y a cet appel final à la consolation, avec cette figure féminine. Et pourtant, aimez-moi, tendre cœur, soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant. Amant ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Donc voilà, on est dans la proximité, dans la similitude, dans l'équivalence du couchant, enfin du crépuscule et de l'automne, du soleil couchant et de la saison couchante, si l'on peut dire, ou la saison du couchant qu'est l'automne. Mmh. Les deux sont mis ensemble pour évoquer la même espèce de consolation, le moment narcotique, le moment où l'esprit va être... L'esprit qui est fasciné par l'imminence de la mort est aussi consolé par la beauté de cette imminence. Mais l'automne dure moins longtemps dans ce poème que chez Verlaine, puisque c'est... Il y a une plainte à l'égard de ces étés trop courts et tout de suite les froides ténèbres qui arrivent. L'automne est une saison beaucoup plus courte. La menace est beaucoup plus présente, beaucoup plus pressante aussi chez Baudelaire que chez Verlaine. Courte tâche, dit-il. Verlaine s'installe dans l'automne. Il en fait son lieu respiratoire d'une certaine façon. Il s'y trouve bien. Il y est en feuilles mortes perpétuelles, poussé par des bourrasques sans cesse dont il s'accommode. Alors que chez Baudelaire, c'est une fatalité qui pèse, qui est éprouvée mentalement, qui est une douleur, hein, une douleur, je dirais presque avec un D majuscule, comme se plaît à l'écrire Baudelaire très souvent. Le temps mange la vie, il y a cette idée d'une perte fondamentale et d'une tristesse qui l'accompagne. Est-ce que Verlaine était un grand lecteur de Baudelaire ? Oui. Verlaine a été très marqué par l'œuvre de Baudelaire, à qui il a consacré une petite étude assez tôt. Et il y a des échos entre les deux œuvres. Enfin, il y a des échos chez Verlaine de l'œuvre de Baudelaire. Mais la désolation n'est pas la même. L'image qui s'impose chez Baudelaire, c'est celle d'un pays dévasté. Après un couchant splendide, vient un hiver terrible et sans espérance. Alors que chez Verlaine, on s'installe dans une espèce d'automne perpétuel. C'est la chanson grise. C'est la chanson grise, tout à fait. Ce côté grisâtre qui est d'ailleurs assez moderne, c'est ce qu'on retrouvera au début du XXe siècle, oui. Bien plus tard. Tout à fait. Alors que chez le monde de Baudelaire est un monde en noir et blanc beaucoup plus cruel, beaucoup plus marqué. Comment comprenez-vous le vers de Verlaine qui dit « l'automne vient nous corriger ». Il y a cette idée d'une correction par l'automne. Il dit ça dans quel texte ? Alors, il faut que je retrouve, parce que je l'ai noté là, je vais le retrouver le temps qu'on le commente. Il y a cette idée d'une correction, comme une espèce d'approche morale que l'automne viendrait imposer à cet être qui lui-même s'identifie à la feuille. Oui, je ne sais pas, je ne vois pas trop le sens de cette phrase, mais l'automne est une correction. L'automne vient nous corriger. Il nous rappelle, il y a un rappel à la vérité de toute façon. Je pense que c'est ça l'idée claire, c'est que à la différence des saisons comme le printemps et l'été qui entretiennent des illusions, l'automne brusquement vient nous ramener à la vérité nue de notre finitude. Voilà, l'épreuve de vérité, c'est le moment de l'automne. Donc il y a une vérité quand même alors qui est délivrée. Oui, absolument. Absolument. Chez Verlaine, c'est pas un scepticisme général ou un quoibonisme. Et la vérité, c'est quoi ? C'est notre finitude ? Oui, c'est toujours le rappel de la finitude ou le rappel à la finitude. Voilà, c'est dans En patinant, je l'ai retrouvé, dans les fêtes galantes. L'automne, heureusement, avec son jour froid et ses bises rudes, vient nous corriger, bref et sec, de nos mauvaises habitudes. Et nous induisit brusquement en l'élégance réclamée de tout irréprochable amant comme de toute digne aimée. Oui, là on est dans le climat, c'est vrai, un peu des fêtes galantes où il y a toutes sortes de jeux d'affrontements mouchetés, je dirais, de scènes de dérobades, de cache-cache, de rappel à l'ordre. La vie amoureuse telle qu'elle est décrite ou évoquée plutôt par Verlaine dans les fêtes galantes est une espèce de jeu de masques, de... Voilà, c'est les tableaux de Watteau. Hein, c'est le tableau de Watteau. Ouais. C'est le parc où se consume le reste de la fête, de la grande fête d'un ancien régime plus ou moins imaginaire. Mais l'automne fait partie de ces rappels à l'ordre qui sans cesse viennent ramener dans la finitude, les rêves d'amour ou d'infini ou d'idéal qui pourraient encore pointer le bout du nez à l'intérieur de ce monde imaginaire. La dernière scène des Fêtes Galantes, colloque sentimental, donne à voir deux spectres qui circulent à l'intérieur d'un parc complètement abandonné où il ne pousse plus que des avoines folles. Et ces deux spectres n'arrivent même pas à s'entendre et se parler. Oui, un accord impossible. Voilà. Et diriez-vous que le rapport à la poésie de Verlaine est un rapport de... Alors on l'a dit, c'est la tristesse qui nourrit cette inspiration, cette créativité. Est-ce qu'il y a un rapport de consolation? Est-ce qu'il cherche une consolation? Je pense que la musique joue un rôle dans cette alchimie bizarre de la poésie qui est consolatoire lors même qu'elle s'attarde sur des douleurs et qu'elle les module indéfiniment. Il y a une consolation dans le fait d'atténuer ainsi, de jouer avec les possibilités de la langue, de la plasticité de la langue, comme le fait si bien Verlaine. La consolation, elle provient du fait même d'écrire, je pense, pour une grande part chez lui, tout simplement. Chez vous aussi, l'écriture console? Elle console et elle aggrave. C'est vrai? Paradoxalement, il y a une manière de recreuser les choses tout en leur offrant une issue, donc en développant une logique qui est consolatoire, oui, si l'on veut. Qui console et qui entretient. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Michel Mollepoix d'être venu nous parler de Verlaine ce matin, de son rapport à l'automne. On mettra en ligne votre bibliographie, les nombreux livres que vous avez écrits sur Verlaine, mais pas que, évidemment. Et on se quitte avec une chanson que vous avez citée en début d'émission, dans la lignée de l'automne, dans la lignée de Verlaine. Il s'agit, fidèle donc à l'amour de la chanson de Paul Verlaine, de celle de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop. Et oui, on s'en va, mais pas tout de suite. Il est l'heure de retrouver sur France Culture les chemins de la philosophie, la nouvelle chronique proposée par Frédéric Worms. Tous les jours, le pourquoi du comment. Tous les jours, une question de philosophie ou de culture générale à laquelle Frédéric Worms apporte une réponse. Aujourd'hui, la liberté ou la vie? La liberté ou la vie? La liberté ou la vie, c'est évidemment un débat d'actualité, mais on se demandera une autre fois ce qu'il faut entendre par là, et ce qui est actuel et ce qui ne l'est pas. En fait, il ne faut pas croire que l'opposition entre la liberté et la vie soit justement seulement liée à tel ou tel événement, par exemple dans la pandémie du coronavirus, entre la protection de notre santé, donc de la vie d'un côté, et de notre côté la protection des libertés, par exemple des libertés publiques, dans le cas des mesures sanitaires, du confinement ou du passeport sanitaire ou de la vaccination. En fait, La liberté ou la vie, cette expression qu'aucun bandit n'a jamais employée au coin d'aucun grand chemin, c'est pourtant le problème central de la philosophie politique. Celui qui fait même passer la politique d'une fonction, au fond, pragmatique, un petit peu inconsciente d'elle-même, à un problème philosophique qui hante la vie humaine, qui est au cœur de la vie humaine. Pourquoi ? C'est qu'il y a une première fonction d'une société politique, et donc du politique. C'est de protéger un groupe humain contre des dangers mortels. C'est de protéger notre vie. C'est sa première fonction. Et bien sûr, par exemple, dans la santé publique ou dans la pandémie. Mais pour nous protéger contre un danger mortel, bien entendu, nous créons un pouvoir. Un pouvoir qui peut aussi se retourner contre nous et devenir mortel, mais d'une façon très particulière. Non seulement menacer notre vie comme des bandits qui s'en prennent à notre bourse et pas à notre liberté, mais par un abus du pouvoir même que nous leur avons confié et finalement pouvant conduire jusqu'à notre mort. Car il n'y a pas de pouvoir qui ne risque de devenir mortel, et cela justement au nom d'un danger mortel, au nom de ce qu'on met sous, par exemple, la notion de sécurité. Ainsi, le pouvoir qui veut nous protéger notre vie peut menacer non seulement notre liberté, comme si c'était seulement un sentiment d'indignation luxueux, superficiel, mais quelque chose de peut-être plus vital que notre vie elle-même et pour lesquels certains sont prêts à sacrifier leur vie. Dès lors, ce que nous révèle ce sentiment que la perte de la liberté par un autre être humain dans un contexte des relations humaines et pas seulement, par exemple, par des incapacités physiques ou des empêchements d'agir ou de sortir, des empêchements de faire ceci ou cela, mais par une violence qui vient d'un autre et notamment de ceux à qui nous avons confié le pouvoir, ce que cela nous apprend, c'est deux choses. C'est que la liberté entre les humains est quelque chose qui s'institue et qui se respecte, et que c'est tout aussi vital que la vie elle-même, mais qu'il faut pourtant concilier cette protection de la liberté avec la protection de la vie. Et pour cela, évidemment, il faut considérer que la protection de la liberté est première, que nous pouvons et nous devons préparer et prévoir les limites de nos libertés pour qu'elles se respectent les unes les autres, et les suspensions provisoires de nos libertés dans les urgences que requiert la protection de nos vies. C'est le respect de notre liberté dont il faut dire clairement qu'il est premier sur la protection même de la vie, justement pour le permettre, parce qu'il y a besoin pour cela d'une action collective, et finalement non seulement de la protection de la liberté, mais puisqu'elle est égale entre tous les humains, la protection aussi, et même la découverte sans cesse approfondie de notre égalité, de le côté irrémédiablement précieux et premier des relations entre nous. Merci beaucoup Frédéric Worms, à demain. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Carla Michel, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Pierre Faucillon. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour des quatre saisons après l'été de Camus, l'automne chez Verlaine. Demain, nous parlerons de Giono et on se demandera comment survivre à l'hiver avec Jean Giono et notamment en lisant Un roi sans divertissement. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, en vous rendant notamment sur l'application Radio France qui vous permet d'avoir accès à toutes les émissions en direct ou en téléchargement. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On relaie quotidiennement l'émission du jour et on est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h donc, pour L'hiver de Jean Giono. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Dans un instant, ce sera Culture Monde par Florian Delorme.